Aujourd'hui, dans la connexion numéro 116, Bill Gates soupe avec le président de la Chine, Grand Theft Auto encore blâmé pour quelque chose, Lara Croft au sein d'une grande controverse et un dossier spécial pré-E3 en direct des studios de CIFU 89 FM à Trois-Rivières. C'est l'heure du jeu. Jeudi 20 avril ou mardi 25 avril 2006, bienvenue à la connexion numéro 116. Mon nom est Mathieu Plante, votre guide sur les routes un peu mal entretenues de l'Internet. Et pour aider à éviter les nids de poules cette semaine, le patriote lui-même, Jesse Millette, bonjour. Bonjour, mon cher Mathieu. Tout va bien pour toi cette semaine? Ben oui, ça va bien. J'ai encore changé de siège. Mon Dieu, t'as un beau siège. Oui. Je te commente à chaque semaine sur ton beau siège. Oui. Ben merci beaucoup, mon cher Mathieu. Je suis là pour aider à commenter l'information et avec toi de rechercher sur l'Internet ces mouvements pour nous démêler parce que c'est compliqué. Justement, plus tard dans l'émission, on va peut-être parler de Mario Bébé. Aha. Ah, ça serait bon de parler de ça. Ah ouais. Oui. J'ai été surpris de rejouer à Mario Bébé. C'est pas si bon que ça, en fin de compte. Non, c'est ça. C'est plutôt ennuyant, mais bon. C'est pas tellement bon, en tout cas. Mais d'ici là, vous pouvez discuter avec nous par téléphone au 819-376-5183 via notre site internet au www.cif.ca/CNX ou sur le forum au /forum. Au retour, on commence les nouvelles avec le fil. Mais avant, en musique, voici The Yeah Yeah Yeahs avec Gold Lion sur CIF 89.fm. Just in each, it was the high. toujours important de faire des backups, justement. Ben oui. C'était The Yeah Yeah Yeahs avec Gold Lion, et maintenant, c'est l'heure du fil de nouvelles. J'ai goût de danser. C'est beau à voir. Les nouvelles marquantes de la semaine en informatique et en jeux vidéo, on commence par Bill Gates, qui s'est entretenu mardi avec le président de la Chine, Hu Jintao, lors d'un souper à sa maison de Redmond dans l'État de Washington. Ils ont principalement abordé le sujet de la propriété intellectuelle puisque le gouvernement américain accuse son vis-à-vis chinois de laxisme quant à son combat contre les pirates informatiques. 90% des logiciels utilisés en Chine n'auraient pas été achetés de façon légale. Ils ont ensuite discuté de l'entente commerciale de 1,2 milliard de dollars américains réalisée lundi entre Microsoft et Lenovo, qui est le principal fabricant de PC en Chine. L'entente permettra à Lenovo d'installer Windows XP sur tous les PC de la compagnie qui seront vendus en Chine ou à l'international. La visite de l'homme d'État chinois était prévue depuis l'an dernier, mais a été retardée suite à l'ouragan Katrina. Hu Jintao rencontra ensuite George W. Bush. Vous l'avez entendu aux nouvelles si vous écoutez en direct le jeudi. C'est dans la ville de Washington. Et voilà. Ensuite, l'Organisme pour la défense de la liberté de la presse, Reporters sans frontières, a révélé mercredi que Yahoo serait impliqué pour une troisième fois dans l'arrestation d'un cyberdissident chinois. Yahoo aurait fourni des informations aux autorités policières de Beijing conduisant à l'arrestation de Yang Lijun en 2003. Il aurait publié une série de textes en faveur de la démocratie sur Internet. Accusé de subversion, le journaliste a été condamné à une peine d'emprisonnement de 4 ans. Oui, 4 ans. C'est pas c'est beaucoup là, pour une histoire de démocratie. C'est en Chine. Hein? D'avoir fait une page web parlant que ce serait bien une démocratie. C'est comme si moi, je ferais une page web. J'aimerais bien que le communisme marche au Québec. J'irais 4 ans en prison. Je pense pas au Québec. Non. Hein, en tout cas. Non. C'est spécial. Mais vas-y. Et je cite, « Petit à petit, nous apportons les preuves de ce que nous soupçonnions depuis longtemps, à savoir que Yahoo est impliqué dans l'arrestation de la plupart des personnes que nous défendons. » Fin de la citation, a expliqué Reporters sans frontières. RSF sort cette nouvelle au moment même où le président chinois est en visite officielle aux États-Unis. Ça fait des vagues. L'administration fiscale américaine, l'IRS, considère que la firme Symantec lui doit aux environs $1 milliard américains. Et mon doux. Concernant des erreurs dans ses déclarations de revenus quant à l'acquisition de la compagnie Veritas en 2005. Selon l'IRS, Symantec aurait omis de préciser dans ses rapports d'impôts certains détails quant aux années financières extrêmement rentables de Veritas en 2000 et 2001. Veritas et Symantec auraient ainsi mal évalué certains transferts de propriété intellectuelle faits à des compagnies partenaires situées en Irlande, selon le principe de subsidiarité. Le fisc américain estime que ce montant d'argent s'élève à $900 millions, et américain évidemment, qu'il réclame à Symantec, excluant certaines pénalités. Ça prouve que Symantec n'est pas aussi bien protégé que son Norton le fait, peut-être. Protégé, jeu de mots. Oh oui. C'est le fun. Mais Symantec, c'est surtout Norton antivirus. C'est ça, ils font Ghost, ils font Partition Magic maintenant, mais ils ont racheté Partition Magic. Ben, en tout cas, j'espère qu'ils ont bien fait le rapport d'impôt pour le reste, parce que hey, 900 millions plus... Ça jette une compagnie à terre. En fait, c'est pas seulement ça, parce que l'IRS a aussi constaté d'autres erreurs dans les déclarations de revenus de Symantec et réclame $100 millions américains à la compagnie spécialisée en sécurité informatique. Symantec a annoncé qu'elle va contester ces deux décisions de l'IRS et suite à ces frasques, l'action de la compagnie a perdu près de 4% de sa valeur en bourse à Nasdaq. Ce qui arrive souvent quand il y a un coup comme ça. C'est un petit peu normal. C'est de se demander à quelque part, là, je veux dire, parce que moi, je fais une erreur sur mes impôts. Mm-hmm. Ben, il pourrait m'avertir, ça peut être une erreur, c'est pas nécessairement une fraude, là. Tu sais, je veux comme une grosse compagnie comme Symantec, je pense pas qu'ils aient décidé, tiens, on va modifier nos impôts, pis on va voler. Je pense pas que c'est dans leur meilleur intérêt de fourrer le système. C'est ça, ça va peut-être se régler, là. J'imagine, j'espère pour eux. Hors cours ou en cours, en tout cas, tu sais. Ce que je veux dire, c'est, on est tellement à mode des procès, là. Uh-huh. Aux États-Unis. Ouais, c'est ça, surtout aux États-Unis, des gros scandales. Mm. Allez, gars, on en reparle. Ouais. Et on termine par cette semaine, les premiers lecteurs haute définition de Toshiba et les 4 premiers films HD-DVD sont arrivés sur le marché américain. Le lancement devait avoir lieu le 18 avril 2006, mais des détaillants auraient décidé de vendre ces appareils plusieurs jours à l'avance, c'est-à-dire la fin de semaine dernière. Dès cette semaine, quelques 3000 détaillants américains commencent à les offrir, tels que Walmart et Best Buy. Les 4 premiers films lancés cette semaine sont Last Samurai, Serenity, Phantom of the Opera et Million Dollar Baby. La semaine prochaine, Doom, Apollo 13 et Chronos vont s'ajouter au catalogue HD-DVD. Et dans le clan adverse de l'autre définition, le format Blu-ray de Sony, on prévoit lancer les 8 premiers films le 23 mai prochain. La liste des titres est sur le site au www.cf.ca/CNX. Mais qu'arrive-t-il lorsqu'on met un DVD standard qu'on a déjà au Ice Cream qu'on le met dans un HDTV. À ce que je sache, les DVD standards vont fonctionner aussi dans les lecteurs HDDVD et Blu-ray. C'est quoi, il y a comme un genre d'émulateur qui convertit l'image? Je sais pas, c'est peut-être deux lasers différents. Je suis pas exactement au courant, mais il me semble que j'ai entendu dire que les deux allaient fonctionner. Même qu'il allait avoir des... si j'ai bien compris, il allait avoir des lecteurs qui allaient lire les Blu-ray et les HDDVD. Okay. Et les DVD. Et peut-être les CD. Et peut-être et les CD WMA. Tu vas lire à peu près toutes les informations. Tu vas lire les toasts que tu vas faire en forme de rond. Genre, ah ouais? Avec un verre. Là, ouais. Les crêpes. Ouais, ça les va crêpes. Bien mieux. Ça va être un meilleur, galette meilleur de sarrasin. Joke. Merci de faire des meilleurs jokes que moi. C'est beau à voir. Mais non, je fais des jokes avec toi. Merci. Ah! Beaucoup mieux. On retourne en musique. La deuxième partie du film s'en vient au retour. On va parler entre autres des chansons des Beatles qui vont peut-être se retrouver en ligne et du CRTC qui exempte de la réglementation la télédiffusion mobile en direct, c'est-à-dire sur téléphone cellulaire. Sujet assez intéressant. On en parle au retour, mais pour l'instant, voici Dee avec Real Summertime. À la connexion, on parle technologie, informatique et jeux vidéo avec Jesse Minette et Mathieu Plante sur CIF 89.1 FM. Que les Français se lavent pas. On disait quoi? Ah ouais? De retour à la connexion, on parle technologie, informatique et jeux vidéo. Mon nom est Mathieu Plante en compagnie de Jesse Millette. De retour au fil de nouvelles, on a tellement de choses à dire cette semaine. Entre autres, le directeur de la maison d'édition des Beatles aurait révélé que l'ensemble de l'œuvre du groupe serait offert en téléchargement sur Internet. Dans le procès qui oppose Apple Corp, qui est l'étiquette des Beatles, on comprend Apple Corps et Apple Computers pour une question de marque de commerce. Le directeur de la maison d'édition de la musique des Beatles a indiqué que l'œuvre du groupe sera éventuellement offerte en téléchargement dans des services en ligne. Il a également déclaré que l'œuvre entière des Beatles est actuellement en train d'être remasterisée. Un porte-parole d'Apple Corps n'a pas été en mesure de fournir une date précise pour le lancement des pièces numériques remasterisées dans les services de téléchargement tels que iTunes d'Apple. La chose est que la poursuite qui oppose Apple Corps et Apple Computer, c'est une affaire de marque de commerce, évidemment, parce que Apple utilise la marque de commerce à Apple et ça fait pas tellement plaisir à Apple Corp. En tout cas, on a parlé la semaine dernière. Si vous voulez lire l'article, allez sur le www.cif.ca et cliquez sur la connexion en bas à droite dans la liste de sites d'émission. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le CRTC, a annoncé le 12 avril dernier qu'il exempte de la réglementation fédérale les services de télédiffusion mobile en direct. Il s'agit des services offrant de la programmation télévisuelle accessible grâce à un combiné sans fil comme le téléphone cellulaire. De tels services font toujours partie du champ d'application de son ordonnance d'exemption des nouveaux médias de 1999. Dans son avis, le CRTC affirme qu'il ne croit pas qu'une telle exemption nuira aux radiodiffuseurs autorisés, mais plusieurs groupes, dont l'ACTRA, qui est l'Alliance des artistes canadiens du cinéma, de la télévision et de la radio, sont d'avis que la télédiffusion mobile en direct devrait faire l'affaire de la réglementation pour assurer le respect des exigences en matière de contenu canadien. Selon le directeur exécutif national de l'organisme, il est temps que le CRTC arrive au 21e siècle, et je cite, avec une telle décision, notre système public de radiodiffusion risque d'être encore davantage inondé de programmes américains. Ben oui, c'est vrai. C'est totalement normal que ça devrait être réglementé autant que la télé. Autant que la télé, ben oui. Mais non, avec un cellulaire, excuse-moi, là, parce que j'avais un téléphone en onde. C'est vrai, puis j'ai oublié de baisser ton micro, donc on entendait, c'est pas grave. Là. Ah, ben, c'est beau, ça fait un beau bruit de fond, puis ça montre qu'on pogne. C'est vrai. Mais ouais, je me posais la question, est-ce que tu peux écouter n'importe quelle chaîne sur ces cellulaires-là, ou c'est des chaînes uniquement, mettons, canadiennes? Ben, c'est seulement des chaînes qui elles-mêmes décident de diffuser sur téléphone. Par exemple, ouais, je sais qu'il y a des chaînes de sport, de nouvelles qui diffusent là-dessus. Ok, mais. Tu peux pas, c'est pas comme une télé non plus. Ok. Mais sauf que si un poste américain genre Fox. Ok, je comprends ta question. Tu veux dire, si mettons une chaîne comme Fox décide qu'elle vit au Canada pour implanter ce service-là, est-ce qu'ils peuvent, j'imagine. Ou une autre chaîne totalement qui projette pas ici, à part si tu payes avec un satellite, ben là que tu pourrais avoir directement sur ton cellulaire. C'est une mot, t'as dit une de bonne question. Rendu là, ça va à l'encontre de la télé Cogeco numérique, mettons que tu t'ajoutes des postes de plus. Tant qu'à ça, t'ajoutes juste le poste sur cellulaire. Tu l'écoutes juste sur ton cell. Mais c'est tellement cher par contre, ça. Acheter une chaîne sur téléphone cellulaire, c'est plusieurs dollars par mois. C'est cher. Ok. Je sais pas, j'ai même pas de cellulaire. Moi non plus. J'en ai plus. J'en ai plus. Je me suis fait avoir après une compagnie que je ne nommerai pas. Parce que je suis pas ici pour régler des comptes. Ah! Des comptes. Des comptes. Des comptes de téléphone. Ah, ouais. Et j'en ai réglé un méchant, c'est pour ça. T'as pas compris la joke quand je l'ai faite au départ. Hein, exact. Il fallait que je l'explique, c'est pas grave. On continue avec le jeu Tomb Raider Legend, qui fait beaucoup parler de lui aux États-Unis, et pour cause d'ailleurs. Des petits malins ont découvert dans la bibliothèque des textures du jeu des éléments de nudité dans Tomb Raider Legend. Les développeurs avaient en réalité intégré ces éléments afin d'appliquer au mieux certaines tenues vestimentaires aux personnages féminins lors de la phase. Il y a une phase soirée dans le niveau Tokyo. Ok. Vous pouvez aller voir la photo d'ailleurs qui est sur la page d'accueil du site en ce moment, www.cif.ca/CNX. Ben moi, ce que je pense, c'est que souvent, les programmeurs, ce serait peut-être des jeux vidéo. Souvent, ils vont créer une femme dans un jeu vidéo, puis ils vont la faire sous tous ses angles et même sans vêtements. Ils ont tellement de temps à perdre. Ils peuvent donner comme raison que c'était pour... ça allait mieux là, pour les costumes et les textures. Là, mais on sait tous que... Hein? Ça doit tellement être plate comme job, c'est normal de vouloir se divertir un petit peu. Et... À ce temps, il n'y a même plus de polygones quasiment en plus. Ben non. C'est très réaliste. Sauf que la chose, dans ce cas-là, c'est que ces éléments de nudité restent invisibles pendant le jeu, mais après cette découverte-là, Eidos, craignant certainement qu'un utilisateur publie une astuce permettant de dénuder toutes les jeunes femmes présentes dans cette scène, a rapidement réagi. L'éditeur a ainsi complètement évincé les textures incriminées avec l'aide du premier patch publié avec le jeu. Ah, il n'y a personne qui l'a vraiment fait. Là. Tout ce qu'on voit, c'est... En tout cas, dans la photo, ce qu'on peut voir, c'est que il y a des textures qui sont comme placées une à côté de l'autre. Okay. En tout cas. Mais le jeu en tant que tel, il n'y a personne qui a réussi à débloquer ça dans le jeu. Ok. Finalement, c'est peut-être plausible l'histoire des programmeurs de l'avoir mis uniquement pour les aider. Peut-être, mais en même temps, tant qu'à faire les corps nus pour réussir à les habiller, aussi bien aller jusqu'au bout. Il aurait pu faire comme une Barbie, puis faire juste la forme en tant que telle pour mieux l'habiller. Mais ils ont vraiment été jusqu'à fond la caisse, ils ont mis les tétines. Tout. Ok. On continue. Je disais que c'est un peu loin. C'est une jeu vidéo. Bon, vas-y. C'est ça. On n'est pas sur Sex Channel. Non. Donc la Major League Gaming. Est-ce que tu connais la MLG? Non, mais elle se revendique comme la première ligue de jeux vidéo professionnelle au monde. Et elle vient de conclure un accord avec USA Network, qui est une chaîne de télévision câblée américaine, pour que cette dernière retransmette les principaux événements du MLG Pro Tour, qui se déroule à partir de cette semaine dans plusieurs grandes villes des États-Unis. Les compétitions devraient être présentées à la façon des événements sportifs, avec commentateurs, entretiens avec les joueurs, fiches détaillées et reportages en coulisses. Bien que la MLG évoque son projet comme l'aboutissement de ses efforts en matière de reconnaissance pour le jeu vidéo professionnel, le succès n'est pas garanti. Donc, afin de limiter les risques, la MLG et USA Network ont convenu un format court, donc une heure seulement, sept fois. Donc, sept épisodes différents et focalisés sur des jeux relativement attractifs pour le grand public. Et là, tu vas me demander, Jesse, mais quels sont les jeux qui vont être en vedette? Mais quels sont les jeux qui vont être en vedette? Merci, merci. Les premiers épisodes devraient porter sur Halo 2 et sur, écoutez bien ça, Super Smash Bros. Melee. Oh! Hein, on s'attendait pas à ça du tout. La chaîne de télé ne s'est engagée que sur un an, donc ça se pourrait que ça fonctionne pas du tout et que ça soit annulé d'ici l'année prochaine. Mais vous savez qu'il y a déjà des chaînes de jeux vidéo aux États-Unis. En fait, il y en a une qui s'appelle G4 TV. Et j'en parle régulièrement. Au Canada, on la connaît sous le nom de G4 Tech TV. Et la chaîne est quoi? Un flop total. Donc, elle a décidé de se remanier et ressembler à une chaîne pour hommes avec des automobiles, des femmes, des gadgets et des sites internet de conneries intéressantes. Donc, la chaîne parle à peine de jeux vidéo. Donc, si une chaîne de jeux vidéo en tant que telle est un échec, est-ce qu'une émission de jeux vidéo peut survivre? Probablement plus qu'une chaîne, parce qu'une chaîne a toujours le côté publicitaire, t'as toujours le côté... On dirait des fois, ils s'écartent du sujet de la chaîne, finalement. Mm-hmm. C'est pas une nouveauté. Donc toi, tu regarderais une émission comme ça? Non. Non, non, non, non, non, ben non, ben non, ben non. Ben non. J'aimerais bien une émission comme la tienne, Mathieu. Ah, que c'est beau! Que c'est rempli d'informations, c'est pas bourré de n'importe quoi. The crap! Et voilà. C'est ce que tu veux dire? The crap commercial. Ouais, la crap commercial. Oh, on bannit ça. On bannit ça autant que Limoilou, ici. Ouais, le petit bordel Limoilou. On n'aime pas Limoilou. Ou un Québec ou de Limoilou. OK, on arrête de niaiser. OK, vas-y. On n'est pas tellement drôle en disant ça, c'est ça le problème. on termine. C'est un inside entre nous autres la fin de semaine. Ça n'a rien à voir, c'est ça. Donc, Tyrone McMillian vient d'être condamné à purger une peine de 7 ans de prison pour avoir engendré une poursuite policière. Là, vous allez suivre l'histoire et vous allez vous dire que ça n'a rien à voir avec les jeux vidéo. Mais laissez-moi finir, OK. Donc, on recommence. Tyrone McMillian vient d'être condamné à purger une peine de 7 ans de prison pour avoir engendré une poursuite policière, et ce malgré qu'il a plaidé coupable aux accusations portées contre lui en mars dernier. McMillian a ainsi provoqué une poursuite policière le 5 août 2005 alors que les policiers ont tenté de l'arrêter pour violation de liberté conditionnelle. Il est parti à pleine vitesse dans son véhicule avec la jeune fille de sa copine et son cousin. La première a réussi à sauter du véhicule alors qu'il roulait lentement sur une rampe de l'autoroute 787. Et là, le moment... L'homme a expliqué aux policiers qu'il croyait pouvoir les semer en raison de ses habiletés développées dans le jeu Grand Theft Auto. Quelle bonne raison. Ben oui. McMillan devra non seulement purger sa peine, mais rester sous supervision pendant les 10 années suivantes. Mon Dieu. C'est-tu drôle? C'est comme hier, j'ai vu une émission de télé X. Il y a un gars qui se fait arrêter par la police en boisson. Il est sous, mais sous, il a de la misère à marcher. Puis il rit, puis il gigue. Puis il offre la bière à la police. Moi, je vais vous donner une bière. Moi, je peux pas perdre mon permis. Puis il se met à danser carrément avec les polices. Les polices sont crampés. Il rit, là, mais il rit, il est fou raide. Le gars, ben, tellement chaud qu'il réalise pas ce qui arrive, là, que c'est fini, mon gars. Tu passes la fin de semaine en dedans. Aïe, aïe. En tout cas, c'est quelque chose. C'est pas 10 ans de prison, mais quand même. Ouais, c'est ça. 10 ans parce que t'as dit aux policiers, tu sais, ah, je suis capable de vous semer. Je joue à Grand Theft Auto. Ben oui. C'est sûr, c'est pareil, c'est le sûr, volant à un joystick, c'est bravo. C'est comme s'il aurait donné un coup de bord à clou à quelqu'un, puis quand il y aurait eu une commotion. Ah, ben j'ai vu ça dans le jeu Grand Theft Auto. C'est à cause de ça que les jeux après sont illégaux. C'est ça. Ben tu sais, je suis capable de construire une maison, je regarde les anges de la rénovation à tous les jours. Oui, ben moi je suis capable de construire une ville, je joue à SimCity. Et voilà, t'sais. C'est le meilleur exemple. Bon. On retourne en musique? Oui, parce que là, ça s'en va loin. Ça commence à... Ouais, c'est ça. Au retour... Évidemment, vu qu'on peut pas parler de tout ici à la connexion, on va parler de nouvelles qui se résument à leur grand titre dans la chronique En bref, au retour. Mais avant, voici le groupe trifluvien The New Cities avec Run Baby Run à la connexion. pas prendre des photos de moi. C'est pas correct de prendre. Non! Non! Okay. Donc, on continue avec une autre partie du fil de nouvelles. Avec, évidemment, on peut pas parler de tout ici à la collection, vous le savez. Donc, voici quelques nouvelles un peu moins intéressantes, mais quand même importantes, et qui se résument par leur grand titre. Pour en savoir plus sur ces nouvelles, visitez le www.cif.ca/CNX. Et on y va, attention. On est prêt, on fera les commentaires à la fin. Et go! Le troisième film Resident Evil en salle en 2007 a maintenant un nom officiel, Resident Evil Extinction. Paramount s'associe avec Microsoft pour diffuser des bandes-annonces de films en haute définition via Xbox Live. MTV Films et Paramount Pictures ont annoncé que le jeu Mark Echoes Getting Up Contents Under Pressure sera porté au grand écran. Vivendi Universal Games a annoncé que l'ancien dirigeant du studio d'Ubisoft Montréal, Martin Tremblay, allait joindre l'entreprise à titre de président. C'est bien lors de la Conférence mondiale des développeurs d'Apple, la WWDC 2006, qui se tiendra du 7 au 11 août, qu'Apple présentera la nouvelle version de Mac OS X 10.5, nom de code Léopard. Ah. Après CBS et ABC, Fox a annoncé qu'elle proposera prochainement la diffusion de certaines de ses séries sur Internet qui partagera les profits avec ses chaînes affiliées. Et habituez-vous à de nouveaux noms de code. Le Windows qui suivra Vista sera Fiji et la version 3 de Firefox qui suivra la version 2 qui est présentement en bêta est surnommée Minefield. Faut que j'aille me coucher, moi. Je prends ton souffle. Est-ce que tu veux une critique à propos de Mac OS X ou à propos de Resident Evil? Qu'est-ce que tu penses de tout ce qu'on vient de dire? J'ai hâte, malgré moi, de voir le nouveau Resident Evil, à part qu'à toi, fois que j'étais dans l'émission, je chiale que les films ne respectent pas du tout. C'est vrai. Ils ne respectent pas. Ça ne respecte pas. Pratiquement pas. Ouais, ils respectent pas. Reste ne respecte pas. Les jeux. L'histoire des jeux. C'est dommage. C'est comme le monde qui a lu les livres, là, vous allez dire que... Bon, tu sais, là, on parle du Seigneur des Anneaux, puis là, le gars... Non, toi, t'as les livres, là, fait que, tu sais, il rit un petit peu de toi. Ben, souvent, c'est ça, tu sais, je critique les films, puis le monde dit, bon, c'est ça, toi, t'as joué au jeu. Mais c'est parce que le film part de la base des jeux, comme les films partent de la base des livres. Alors, donc, on a raison de chialer, tu sais. Absolument, tu comprends? C'est vrai. Si un film est fait sur un jeu vidéo, pourquoi le faire basé sur un jeu vidéo si tu vas pas tenir l'histoire aussi bien juste faire un film totalement différent? Ben, c'est comme Doom 3. Enlève le titre Doom 3. Le film, il marche pareil. Là. Ouais. Il se tient par lui-même. Ça n'a pas vraiment rapport tant que ça. La seule raison, c'est pour faire de l'argent parce qu'ils disent que les gens qui aiment Doom vont vouloir aller voir le film parce qu'il s'appelle exact, Doom. Exact, c'est ça. Mais surtout de le sortir après... Bon, là, il y a eu Doom 3. Hein. C'est vrai, ça fait pas si longtemps, mais... C'est ça qu'on parlait l'autre jour, justement, qu'il y a des films comme Resident Evil, là, il est sorti. Il y en a encore des Resident Evil, ça a pris du temps. Là. Mm-hmm. C'est comme le film Mario Bros à l'époque, a sorti genre 5 ans après la mode Mario Bros. Le film Mortal Kombat, je pense, c'est 7-8 ans. Tu sais, il y en a encore des Mortal, mais c'est pas pareil. Tu comprends, la mode était vraiment, vraiment, mettons, en 95. Ouais. Ils ont sorti le film en 99, je pense, 98. Mm-hmm. C'était comme hors contexte. Là. Ah! As-tu vu Street Fighter? Oui, c'est ça le record. Street Fighter, il a sorti incroyablement, je pense, c'est 7 ans après que Street Fighter, ça ne poignait pratiquement plus. Aïe, aïe. Ah, dégoût. Mais ça a été un flop aussi, dans le fond. Fait, dans le fond, c'est juste bien mérité pour eux. Mmh. Ben, c'est juste valeur, parce que moi, tant qu'à faire un film, être réalisateur, je me défoncerais pour être le plus près de la réalité possible. Ouais. Tout en étant conscient qu'en 2 heures, tu peux pas faire une série de... Tu sais, Resident Evil, je pense, c'est en moyenne à peu près... Entre 5 et 10 heures par jeu, là, bon, puis il y en a 8, là, fait que... Ben, c'est pour ça que je me demande pourquoi les producteurs de films s'entêtent à acheter des licences de films s'ils ont eux-mêmes jamais joué au jeu ou ne connaissent même pas les jeux vidéo, ça sert absolument à rien, c'est pour l'argent, c'est... Parce que Resident Evil, il est bon pareil, les films, là, sont bons quand même, sauf que... Si tu les traites en tant que films qui font même pas partie de la série Resident Evil, ben, là... Ben, ils en font partie un peu, là, tu sais, dans Nemesis, bon, il y a le Nemesis, mais l'histoire a pas trop rapport. Dans le 1, bon, l'idée est bonne d'avoir viré l'histoire du virus, que quelqu'un voulait le voler, puis bon, ils vont dans le lab. Ça reflète quand même... c'est un des films qui s'apparente quand même plus au jeu, sauf que c'est sûr que quand c'est l'histoire par cœur, c'est quand même assez différent. Hmm. Mais quel jeu vidéo t'aimerais voir porté sur grand écran? Oh, tu me poses toute une colle. Bonne question, Tu me poses toute une colle. Metroid, mais avec un réalisateur qui se défoncerait. Oh, oh, oh, oh, oh. Quelque chose d'assez hot là, et incroyable. Megaman. Ça serait dur. C'est un... Megaman en film. T'as-tu aimé mon exploit de... C'est quand qu'on a joué? Faut qu'on raconte ça. C'était mardi soir. On a Jesse a par lui-même fait le tour de Megaman 2 devant moi. Ah, oui. C'était un exploit, moi, vous dire. Ah, la musique, là-dedans. Hey, ça me rappelait des souvenirs. Je me revoyais assis en Indien à 9 ans avec un sac de chips, tu sais. Tu m'as redonné le goût de jouer à des jeux vidéo plus souvent, de redevenir un gamer pas si pire. Faudrait que tu me fasses une chronique vieux jeu classique. Faudrait que je m'en claque un par semaine. Hey, j'aurais pas le choix. Ça serait drôle. Fun. On en reparle. OK. Je pourrais me claquer plein de jeux. Génial. Comme, pas long, j'ai refait Zelda 1, mais mon Dieu, je m'en souviens trop, c'est trop facile. En tout cas, pour ceux qui ont suivi plus tantôt, ceux qui veulent lire les articles au complet des nouvelles en bref, visitez le www.cif.ca/CNX. Avant d'aller en publicité, faisons les mots-clés les plus recherchés par les Québécois, compilés à partir des données de Yahoo, Lycos et la Toile du Québec. Voici le top 3 recherches. En troisième position, Paris Hilton. En deuxième, Pam Anderson. Et en première, Poker. Mon Dieu, qu'est-ce que le monde va voir avec Paris Hilton et Pamela Anderson? Je sais vraiment pas. Maybe. Quelque chose de plus intéressant. Par contre, maintenant, voici les 5 jeux les plus loués en club vidéo en date du 16 avril. C'est le top 5 location. En cinquième position, Far Cry Instinct Predator sur Xbox 360. En quatrième, Harvest Moon Magical Melody sur GameCube. En troisième, The Godfather The Game sur Xbox. En deuxième, The Elder Scrolls IV Oblivion sur Xbox 360. Oh. Et en première position, Kingdom Hearts 2 sur PlayStation 2. T'aimes Oblivion? Ah, j'ai vu quelqu'un, mon ami Julien, je l'ai vu jouer. Puis hier, j'étais allé au Future Shop, il y avait la boîte. Je ne veux qu'un ordinateur qui va le rouler. Il est excellent, ce jeu-là. C'est incroyable. Tant que ça. Ah, peut-être que t'aimerais pas ce genre de jeu-là, mais tu trouves vraiment... Tu sais, le monde qui a trippé un petit peu Donjon, qui a trippé jeu d'aventure, vraiment Baldur's Gate et compagnie, là. C'est peut-être pas vu de haut, là. C'est vraiment... T'as ton bonhomme dans l'écran, là. Je pense que c'est third person. Je sais pas, là. À la troisième personne. Ouais, c'est ça. Puis c'est excellent. T'avances, tu peux faire n'importe quoi. Comme Julien, lui, c'est un voleur. Mais à un moment donné, dans la nuit, il se réveille, il s'est fait mordre par un vampire, donc il devient un vampire voleur. En étant vampire, il peut voir à travers les murs les lueurs humaines. Tu peux faire n'importe quoi. Tu peux être un marchand, puis juste marchander. Tu peux être un elfe, un magicien. Bon, c'est l'univers de ça quand même. Mm-hmm. Mais tu peux, tu marches, puis à un moment donné, il y a une maison. Tu rentres dedans si tu veux. Tu crochettes la porte, tu rentres. Tu voles tout ce que tu veux, des bouteilles de... Tu peux tout prendre. C'est ça qui est écœurant. Tu peux tout prendre. Il y a une caisse, tu fouilles, il y a des clés dedans, il y a de l'or, il y a ci, il y a ça, des potions, des fleurs, des n'importe quoi. Puis tu peux faire l'option trajet rapide. Mettons, je vais de telle ville à telle ville, puis là, il calcule, bon, ça a pris 2 jours et demi. Mais tu peux aussi y aller manuellement. Fait que tu peux marcher pendant, mettons, 4 heures de jeu pour te rendre à la dite ville. Là. C'est vraiment réaliste. Tu marches dans le bois, c'est pas répétitif. Là. C'est, tu marches dans la forêt, puis à un moment donné, il y a un ruisseau, à un moment donné, il y a une sorte d'arbre, à un moment donné, c'est d'autres choses. Oups, tu te fais embusquer, ou t'arrives, il y a une petite cabane dans le bois, tu vas voir le gars. C'est un gars que, comme lui, il était voleur, ben, ce gars-là achetait des reliques super dures à trouver. En tout cas, la beauté de ce jeu-là aussi. Tu vois très loin dans le jeu, c'est très profond, très réaliste, vraiment réaliste. Tu vois les visages des gens, ben, c'est sûr, ça prend une machine extrêmement boostée pour le runner dans le fond. Mais c'est très, très réaliste. Les détails du visage, les détails des combats. Tu donnes des coups d'épée, tu sens vraiment qu'il parie avec l'épée. Puis c'est pas RPG dans le sens avec des points décrits dans le bas. Là. Si tu pas, tu le tues. Puis quand il est mort, il est mort. Puis tu peux même ramasser tes flèches à terre que t'as manqué le gars ou qu'ils ont planté dedans. Il y a des esprits, n'importe quoi. En ce cas, j'invite tous les maniaques de jeux d'aventure à essayer. The Elder Scrolls IV Oblivion. Dread ça. Sur Xbox. Pas plein ça. Mais là, il l'a rien qu'au 360, par exemple. Ouais, c'est ça, sur Xbox 360. C'est tellement rendu évident qu'on dit juste Xbox, tu sais. Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai vu sur PC. C'est sûr que la version PC doit être plus excellente, là. Mais... C'est vrai, c'est sur 360. Ouais. Julien a une 360? Non. Non. Il l'a à l'ordi. OK. Il a payé 60$ pour l'avoir. OK. Juste taxe. Ouais. Mais le jeu, il est hallucinant. Cool. C'est le fun. Oui, c'est... Bon, donc on s'en va en publicité. Au retour, la chronique Google Watch. On surveille ce que Google et leurs amis engins de recherche font de bon de ces temps-ci, mais avant en publicité. Et on vient à la connexion, on parle technologie informatique et jeux vidéo avec Jesse Millette et moi-même Mathieu Plante. Hey, hey. Oh, oh. T'as le beau. Vieille blague. Bon retour à la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Mon nom est Mathieu Plante, toujours en compagnie de Jess Millette, panéliste extraordinaire et gentil patriote. Ben, merci. C'est beau. Je suis patriote, mais je suis aussi fidèle envers mes consoles de jeux vidéo. Yeah! On aime ça de même. Il n'y a pas que la politique, hein, des fois, il faut s'en sortir un petit peu parce qu'on se trouve un exutoire. Mm-hmm. Bon, moi, c'est les anciens jeux vidéo, ben, les récents aussi. D'ailleurs, j'ai essayé le nouveau jeu au Xbox. Je comprends pas que c'est pas dans ton palmarès. C'est Black Jasper, je pense. Chose de même. En tout cas, c'est un jeu de 3D shooter avec des terroristes d'avance. Mm-hmm. Bon, le taux de violence est un petit peu élevé, mais j'ai trouvé que ça s'en venait hyper réaliste. Vu qu'on est à la fin du Xbox, les jeux s'en viennent quand même très beaux. Ouais. Mm-hmm. Ça s'en vient super beau, fait que je me dis qu'on va rentrer dans une belle ère de jeux vidéo. J'ai hâte. J'ai vu des screenshots aussi de Resident Evil 5. Mm-hmm. Je suis un maniaque. Puis, mon Dieu Seigneur, on va voir ça. C'est réaliste. Ah, c'est un vrai. Ah, on dirait que t'es une vraie ville à Istanbul. Et, voilà Leon qui se promène dans la ville. Lui, il a l'air un petit peu plus encore bonhomme 3D dessin, mais j'imagine que ça va venir, là. Mm-hmm. Le 4 était tellement beau. Le 5 ne peut que d'être mieux. Ah, Resident Evil, j'aimerais ça être un fan de cette série-là. Je vais m'arranger pour que tu le sois. Peut-être un jour. Ben oui. Merci, Jesse. Au retour, la chronique Google Watch, mais avant, voici comment nous contacter en studio. Si vous voulez nous téléphoner, le numéro de téléphone est très simple. Le 819-376-5183 ou le 819-376-5183. Notre site web est au www.cfou.ca/CNX et notre courriel est le cfoufm@gmail.com. Trois belles façons de nous rejoindre. Excellent. Il y a aussi le forum. Pardon, j'ai oublié le /forum. cfou.ca/forum dans la section musique francophone et émission parle. C'est le fun. Oui. On va en musique. On écoute la formation R. Mercury de leur album From Below, la pièce Shauna Don't Wanna. Au retour, comme je l'ai dit depuis tantôt, je le tease. La chronique Google Watch, on surveille ce que Google et leurs amis engins de recherche fabriquent cette semaine. Vous écoutez La Connexion à CIF89FM. Vous écoutez toujours La Connexion par technologie informatique et jeux vidéo. Jesse Millette, Mathieu Plante, c'est Fou 89.1 FM, tout le tralala. Hein, je vous rappelle qu'il reste encore une bonne heure et cinq à l'émission. Hein? On termine la première heure bientôt. Mais... Moi, je vous rappelle que c'est le début de l'été et qu'il fait très beau et qu'il fait très chaud. Wow! Et qu'on notre studio est en direct, direct à côté de la chasse-galerie. Belle place. Oui, très bon choix. Bon choix. Qu'avoir une vue extérieure, moi, là, ça serait moins. Moi, j'aurais envie de dire, tu sais, félicitations aux parents, tu sais. Mon Dieu, que t'es pervers. Je sais bien. Ah, les gars, donc si vous voulez venir nous rejoindre en direct à la chasse-galerie, on est toujours là. On est là, on aime ça, c'est le fun. Si vous écoutez le mardi, peut-être qu'il y a une grosse tempête de neige, on n'a aucune idée, c'est pas grave. On s'en fout. Mais au moins, le jeudi, on est là. On est là, on est en forme pour continuer avec la chronique Google Watch, parce qu'à chaque semaine, Google et leurs amis engins de recherche nous surprennent et la chronique Google Watch vous renseigne sur leurs va-et-vient. On commence par Google et Sony Pictures qui lancent le Da Vinci Code Quest on Google, un concours qui vise à souligner le lancement du film tiré du roman à succès. Entre le 17 avril et le 11 mai 2006, c'est-à-dire une semaine avant le lancement en salle du film, une nouvelle énigme quotidienne est proposée. Les prix du concours, c'est des voyages et des appareils électroniques de Sony, ne peuvent être remportés que par les internautes qui résident aux États-Unis, au Royaume-Uni ou en Australie, mais quiconque peut néanmoins s'amuser à résoudre des énigmes. Pour accéder aux jeux et énigmes du concours, il suffit de posséder un compte Google qu'on peut se procurer avec une adresse Gmail sur google.com. Et voilà. Après l'ouverture d'une session, l'énigme du jour est ajoutée sur la page personnalisée de Google au google.com/ig. C'est beau. Je pourrais proposer une énigme. Oh. Pourquoi, bébé Mario? Pourquoi? Pourquoi? Il n'y a personne qui comprendrait. Non, c'est vrai. Hey, soyez là dans la deuxième heure, on va vraiment parler de Mario bébé. C'est une énigme qui confond les amateurs de jeux vidéo et de code Da Vinci partout dans le monde. OK. On continue, continuons notre chronique Google Watch avec, à l'instar de Yahoo et de Google, Microsoft se prépare à lancer un moteur de recherche sociale. Un site web qui va permettre à un internaute d'obtenir des réponses de ses pairs plutôt que d'un moteur de recherche trop général. Cet outil permettra à un internaute de diriger certaines questions à un groupe très spécifique, par exemple un groupe d'amis, plutôt que de tenter d'obtenir des réponses sur des moteurs de recherche généraux comme celui de Google. Microsoft espère que ce nouvel outil de recherche renversera la vapeur de la popularité dégringolante de MSN. Pourquoi? Parce que c'est poche. Selon Nielsen Net Ratings, MSN a perdu 1,8% des parts de marché que le moteur de recherche possédait. Google et Yahoo, quant à eux, ont connu une augmentation d'utilisation durant la même période. Donc. Lequel utilises-tu le plus, Mathieu? Mais quelle belle question! Comme tout le monde, j'utilise Google. Ben oui, comme tout le monde, effectivement. Moi aussi, je prends toujours Google. Quand j'ai connu Windows 95 en 97, j'utilisais quelquefois Yahoo ou n'importe quel moteur. Yahoo est quand même Asta bon. Vista, je pense qu'il y avait. Ouais, Vista, ouais. Il y en avait plein. Pour finalement toujours revenir au rock'n'roll. Non, toujours revenir à Google, tu sais. Ouais. Ça va bien Google quand même. À part que je trouve que la filtration à cette heure est compliquée. Mm-hmm. Quand tu cherches quelque chose, tu cherches longtemps. Il est lent aussi, par exemple. Oui, puis t'as beaucoup, beaucoup de schnoop à filtrer là-dedans. Oui. Il y a beaucoup de parties, ça. Ouais. Faut vraiment que tu te serves de ce que tu m'as appris l'autre jour, des guillemets. Oui, les guillemets mettons deux mots en guillemets. Oui. Il va chercher que les deux mots ensemble, donc. Ouais, parce sinon, il va chercher tout ce qu'il y a. Mettons, main pesante, par exemple, que je cherche la main pesante, mais il va chercher tout ce qu'il y a main et pesante. Tandis qu'avec des guillemets, il va chercher exactement une main pesante. L'expression main pesante. Je sais que ça n'a aucun sens, mais ça s'explique quasiment mieux comme ça. Essayez-le, par exemple. Main pesante. Ouais. Je me demande où ça bête. Main pesante. Et n'oubliez pas qu'il faut utiliser des guillemets anglais et non pas des guillemets français. C'est vrai. Mais les guillemets français, je les ai même pas trouvés sur mon clavier encore. Je pense qu'il est mal seté. Ils sont souvent cachés, de toute façon. Oh, oui. Ouais. Moi, je dis. Le clavier ne reflète pas le système d'exploitation. Mm-hmm. Je dis guillemets anglais, oignon français. C'est la combinaison gagnante. Oh! Oh yeah! Oh yeah! Donc, au retour, dans la deuxième heure, on va parler, entre autres, du dossier pré-E3, parce que l'E3 2006 approche à grands pas au Los Angeles Convention Center à partir du 10 mai prochain. Donc, la connexion va vous tenir au courant de ça. La nouvelle chronique cause l'envie. Go, go, gadget! Dans la deuxième heure. Uh-huh. Ça va être bon. Mais pour l'instant, on s'en va écouter les nouvelles de Radio-Canada. Pourquoi? Parce qu'on aime se renseigner ici. À la connexion. Ça te va-tu, ça? C'est excellent. J'adore les nouvelles de Radio-Canada. Ouais, mais restez là. Et aussi, contactez-nous, 819-376-5183. Et le site web à l'adresse que Jesse a sûrement pas retenue. Le site web, www.cfou.ca. Là, tu peux aller dans l'onglet CNX. C'est ça. Hein? C'est tu peux ça. Aller dans l'onglet aussi le champ du Patriote. Tu peux aller là-dessus. Il n'y aura pas grand-chose. Non. Mais oublie pas, en bas à droite, il y a une petite boîte qui dit la connexion. Et puis, notre adresse email, c'est foufm@gmail.com. Le forum, c'est fou.ca/forum. Cliquez sur émission parler. Vous pouvez aussi téléphoner en studio au 376-5183 pour réagir. C'est vrai. C'est fin. En tout cas. C'est doux. Donc, et aussi au retour, on parle de Mario Bébé. J'essaie juste d'acheter du temps parce qu'il commence à être. On s'en vient le vers l'heure pour aller aux nouvelles. Donc, restez là. Vous écoutez CNX à CFU 89.1 FM. Et quoi, vous aimez ça? T'sais? Moi, j'aime ça. Bonjour à la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Mon nom est toujours Mathieu Plante et le sien est toujours Jesse Millette. Donc, deuxième heure de la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Vous la connaissez, vous l'aimez. Dans cette deuxième heure, on parle de l'E3 parce que l'E3 2006 approche à grands pas. La chronique Gogo Gadget, vos chroniques préférées, par exemple, les hauts et les bas, cette semaine dans l'histoire et en magasin cette semaine. Mais pour l'instant, en musique, voici Lensology avec Hang On à la connexion. Lay down, won't you? Stay a while, won't you? Break down your day for me. Yeah, find out, find out. écoutez La Connexion, on parle technologie informatique et jeux vidéo sur C'est Fou 89.1 FM. On continue avec la chronique pré-E3. Donc, le 3 2006 approche à grands pas au Los Angeles Convention Center à partir du 10 mai prochain. La Connexion vous tient au courant avec le nouveau segment pré-E3. On commence cette semaine par des nouvelles de Nintendo. Les premières informations concernant les futurs jeux de la Nintendo Revolution commencent à se dévoiler peu à peu. Les organisateurs de l'E3 2006, qui est la grande foire de jeux vidéo, nous envoient cette semaine une liste de certains jeux qui vont être présentés à l'occasion de l'événement américain. On en parlera d'ailleurs un petit peu plus tard. On apprend donc que le développeur japonais Hudson Soft va dévoiler un jeu de combat aérien sur Nintendo Revolution dans lequel le joueur aura la possibilité de contrôler un avion afin de réaliser toutes sortes de figures acrobatiques à l'aide de la manette de la console. On connaît la manette, c'est la manette en forme de manette de télé. Aha. C'est que tu peux contrôler puis faire des mouvements avec, ouais. Ça comprend tes mouvements. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. Mais ça... Ça va être excellent. Révolutionnaire. Tu vas-tu aller à la convention à Montréal? La convention à Montréal? Oui. Ben, il y a un genre de E3, là. Ah ouais? Oui. Ah, je pense qu'il y en avait eu une l'année passée aussi. Oui, il y en a un qui se passe à Montréal. Je me souviens pas du nom des dates, je te reviens là-dessus. C'est pas aussi connu et pas aussi réputé? Oui, c'est juste... C'est plus dans le monde du jeu vidéo, dans le monde qui connaissent vraiment ça, j'imagine. Je sais pas comment ça que... Aucune idée. Qu'on n'en sait pas plus que ça. C'est vrai. Mais... On connaît ça, nous autres, pourtant, au moins un petit peu. Ben souvent, ce qui se passe gros à Montréal n'est pas toujours annoncé dans ce point-ci. Oui. Ben on essaiera de se renseigner, peut-être avoir quelqu'un de cet événement-là avec nous pour en parler par téléphone. Où y aller, puis... Ça te tente de payer pour ça, toi? Faire un topo plein. Oui, ça vaudra la peine. Ben, si tu veux être nos envoyés spéciaux. Les nouvelles consoles, tu peux essayer. Puis, probablement la Nintendo Revolution, pour pouvoir l'essayer quelque chose comme 4 mois avant, là-bas. Ben, ça m'intéresserait si tu faisais ça, ce serait bien. Hein? Ah, OK. Je t'en reparle. C'est fun, je suis jaloux de toi, d'ailleurs. Ensuite, Hudson Soft va aussi présenter une nouvelle version du jeu d'aventure Dungeon Explorer sur Xbox 360, jouable sur Xbox Live et PSP, qui est jouable jusqu'à 4 joueurs via Wi-Fi. Le magazine japonais Famitsu suggère dans sa rubrique Rumeurs le retour du célèbre Knights sur Nintendo Revolution et d'autres jeux devraient être dévoilés dans la prochaine édition du magazine Famitsu la semaine prochaine. Les organisateurs de l'E3 2006 viennent de mettre en ligne les plans qui représentent la disposition des différents stands pour ce salon qui s'annonce particulièrement intéressant cette année avec notamment la présence, espérons-le, de la PlayStation 3. Comme l'année dernière, Nintendo et Sony Computer Entertainment bénéficient des plus grands stands en termes de superficie. Oh oh! Oh, Xbox, Microsoft, t'es plus petit, you know? Ouais, mais c'est bizarre. Pourtant, Microsoft ne manque pas de moyens. Je sais pas pourquoi. Hein? C'est ça. Ben, ils ont trop confiance en leurs produits. Ils sont trop prétentieux. Ouais. Snob. Et voilà. Ah! Le Electronic Entertainment Expo est souvent l'occasion rêvée pour les distributeurs de démontrer leurs nouveaux jeux ou d'annoncer des nouveaux jeux. Or, le 3 2006 semble très prometteur puisqu'un aperçu des kiosques des compagnies présentées lors de cet événement lève le voile sur plusieurs nouveaux jeux présentement en développement. La liste complète, et je vous mens pas, elle doit mesurer comme 3 km de long de tous les jeux qui vont être présentés à l'E3 ou en moins, au moins les plus importants ou la plupart des jeux. Donc, la liste est sur le www.cif.ca/CNX. Mais on y voit, entre autres, des jeux comme un nouveau Painkiller pour PlayStation 2 et PSP, Alliance sur PC, Dungeon Explorer sur Xbox 360 et PSP et Pacific Storm Allies. Aha. Des jeux qui sont attendus, d'autres qui ont des noms que je sais même pas ce que c'est puis j'ai jamais entendu parler de ça. Bon, ben peut-être que j'en connaîtrais quelques-uns de plus, mais probablement qu'il y en aurait beaucoup que je ne saurais pas. Peut-être, parce que t'es bien plus renseigné que moi côté nouveautés jeux vidéo. Mais tiens, d'ailleurs, on pourrait regarder une petite liste des jeux qui s'en viennent sur PlayStation, sur différentes compagnies. Tiens, par exemple, sur de la compagnie Oren Fury sur PC, de Buka Entertainment, des jeux comme Art Truck Apocalypse Rise of Clans sur PC. Dreamcatcher présente le jeu The Sacred Rings sur PC. Et tu vois, la liste continue très, très, très longtemps comme ça pendant plusieurs pages de long. Sur console, y a-t-il quelque chose de très gros qui s'en vient? Sur console, c'est surtout des jeux PC à ce que je vois là-dedans. Mais des jeux comme The Shadow of Aten sur PS3, 360 et PSP aussi sur PC. Et le jeu qui a le plus de consoles, je crois, avec la lignée de consoles PS2, Xbox, GameCube, DS, PSP, Game Boy Advance, PC et Mac. Ouais. Le jeu Disney's Cars, The Video Game. Il mise pas sur ça, hein? Il mise sur toutes les consoles. Disney's Cars, c'est-tu un film? Je sais pas. Ça ressemble à un jeu de film. Ce serait l'auto de Disney. C'est ça, l'auto de Disney. Je n'ai aucune idée. Ça doit être un genre de Bumbo, mais par Disney, super amusant. Ben, je pense que ça existe, moi. Je pense que ça existe, mais je sais pas. En tout cas, allez voir la liste. Cifou.ca/CNX, c'est l'adresse à retenir, n'est-ce pas? Ça va aller mieux comme ça. beaucoup plus facile pour vous. Donc, c'est ce qui complète le tour de l'E3 2006 dans notre dossier pré-E3. On vous tient au courant et encore une fois, l'événement se tient au Los Angeles Convention Center à partir du 10 mai prochain, donc aux États-Unis. Ça va être magnifiquement magnifique. Tu sais, c'est le même qu'on dit ça. C'est beau. Donc, tiens, tant qu'à être déjà là et tant qu'à parler, aussi bien continuer avec la nouvelle chronique Go Go Gadgets, la chronique qui peut causer l'envie. On commence par un baladeur MP3 minimaliste à 10 US. C'est ce que propose le fabricant japonais Evergreen. Le DN2000 se limite au strict minimum, pas d'écran et pas de mémoire intégrée. Il faut donc passer une nouvelle fois à la caisse pour acquérir une carte mémoire au format SD pour une trentaine de dollars US pour 1 gig. L'appareil fonctionne avec une pile 3A, donc 5 heures d'autonomie théorique. Le baladeur musique mesure 58 par 60 par 13 mm et pèse 30 grammes. On ignore pour le moment si le baladeur que certains qualifient de jetable sera proposé aux États-Unis. Et j'avais justement une photo pour la montrer. De base, il y a combien de mémoire? Il n'y en a pas, justement, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de mémoire du tout. Il faut absolument que tu achètes une carte SD. Mais c'est bien de le demander, parce que j'avais pas rendu, j'avais pas fait ça clair. Mais c'est ridicule un petit peu, parce que dans le fond, tu sais, sur le coup, le concept était bon. Ah, un lecteur MP3 jetable comme 10$, puis là. Faut que tu aies absolument que tu achètes une carte mémoire. C'est ça, finalement, ça revient à 40-50$. Tu vois, il n'est même pas si beau que ça si vous regardez sur l'écran de votre radio en ce moment. Ouais, c'est ça. Ou si vous visitez le site web cfou.ca/cnx. L'article s'appelle GoGo Gadget 2 points, un baladeur MP3 minimaliste à 7€. Donc, il n'est pas si beau que ça. Tant qu'à ça, un bon vieux iPod, c'est pas plus gros qu'une boîte de cassettes. Ouais, mais il y a une différence entre acheter un baladeur à 10$ et une carte à 30$ et acheter un iPod à. Ouais, maintenant qu'il va durer longtemps. C'est vrai. Des disques durs portables. C'est vrai. Oh mon Dieu. Ça me fait penser justement, j'ai vraiment envie de m'acheter un iPod Shuffle juste pour l'aspect clé USB. Ah. C'est le lecteur MP3, pas d'écran, oui. Mais qui se branche facilement. Parce que là, ce matin, petite tranche de vie, les rivières, j'arrive avec mon lecteur MP3, j'avais mis mes notes d'émission que j'ai entre mes mains pour pouvoir lire les affaires. T'sais. Je l'avais mis sur mon lecteur MP3, j'ai oublié le fil chez nous. Hein? Il a fallu que je cherche un fil ici dans l'université? Pas facile. Et voilà. Fait que si j'avais un lecteur Shuffle, la clé se branche directement dans la prise. Ah, c'est ça. C'est une très bonne affaire. C'est beaucoup... tout de suite. Ton fil, là, il est dur à transporter dans ta poche. Il est quand même long, le fil, pour un lecteur MP3 dans la plupart des cas. Mais bon, c'était ma tranche de vie pour cette semaine. Ensuite, seulement au Japon, parce qu'on sait qu'au Japon, les gadgets sont souvent très, très différents des États-Unis. Donc, le prochain, c'est si vous êtes un accro de Tetris et que vous voulez vous acheter un petit alarme. En fait, c'est pas une alarme, c'est un timer de cuisine. Donc, c'est un petit peu bizarre en le regardant, mais c'est fait en morceaux de Tetris. Donc, c'est vraiment un petit écran. Et dedans, tu as en LCD, en petit cristaux liquides, des morceaux de Tetris qui tombent et qui forment des chiffres à un moment donné. Donc, tout ce qui manque, c'est vraiment l'alarme et puis peut-être un petit peu de musique folk russe pour vous réveiller le matin. Ce serait bien le fun. Et ici, lire les détails sur le site, voulant dire que l'article a tous les détails. Je vais vous montrer ça ici. C'est une souris de Super Nintendo qui est utilisée comme souris d'ordinateur. Donc, c'est un programmeur canadien qui s'appelle Raphaël qui a réussi à trouver une façon de réutiliser sa souris Super NES, parce que la souris Super NES, ça venait avec le jeu qui s'appelait Mario Paint. Donc, c'est un périphérique qui est seulement supporté sur Linux, selon le programmeur. Donc, il a fait un tableau qui explique comment chaque morceau de la souris fonctionne. Il y a même un schéma de l'interface et un patch pour ceux qui veulent utiliser leur souris Super NES sur votre PC, si vous avez Linux. Le gars dit, par contre, dans son article ici sur rafnet.net, que ça fonctionne pas sur Windows et qu'il ne fera pas de pilote pour Windows, mais que si quelqu'un veut en faire un, il va être bien heureux de l'héberger sur son site. Donc, si vous êtes un programmeur, allez-y. J'aimerais tellement ça que vous fassiez marcher une souris de Mario Paint sur PC. Ce serait un rêve. Et je vous vénérerai jusqu'à la fin des temps. J'en ai peut-être un petit peu beaucoup, mais c'est pas grave. Avant de continuer en musique, avec une pièce de NoFX, la seule pièce que je passe de NoFX, pourquoi? Parce qu'il y a le mot podcast dedans et ça fait très, très technologique. Ça dit que la prochaine révolution va être un podcast. C'est drôle comment c'est geek au max. Mais avant ça, continuons avec les hauts et les bas. La semaine passée, ou il y a 2 semaines, mon bas de la semaine, c'était YouTube qui avait décidé de mettre une limite sur le temps des vidéos qu'on pouvait envoyer sur leur serveur. Et bien maintenant, ils ont enlevé la limite, mais seulement pour un nouveau service qui s'appelle YouTube Director Program. Donc, si vous êtes un vrai créateur de contenu, parce que là, la grosse affaire, c'est que les gens postaient des émissions de télé d'une demi-heure et d'une heure là-dessus. Ça n'avait plus de sens, il n'y a pas de limite. Donc là, ils ont décidé de mettre ça à 10 minutes pour la plupart des gens. Mais si vous êtes un vrai créateur de contenu, que vous produisez des courts-métrages, par exemple, et vous voulez les envoyer là-dessus et qu'ils durent plus de 10 minutes, donc, YouTube a un service qui s'appelle Director, comme je disais. Pour l'instant, il faut se loguer ou vous inscrire, mais ils promettent une page dédiée plus tard, possiblement avec de nouvelles caractéristiques. Pour l'instant, avec Director, ce qu'on vous donne, c'est votre logo, l'adresse de votre site web de compagnie et une description de votre compagnie sur chacune de vos pages de vidéos. Vous pouvez uploader des vidéos de plus de 10 minutes. Vous pouvez changer le nom de chacune de vos vidéos, par exemple, dire... je pense que vous pouvez acheter des prix, ouais, c'est ça. Le prix, mettons, vous voulez vendre votre vidéo 4,25$. Attends, je crois que c'est ça. Je crois que c'est peut-être une vidéo, par exemple, pour un spectacle. Vous pourriez dire que le prix d'entrée est de 4,25$ et que l'heure est de, mettons, 21h. J'avais mal compris la phrase. Et vous pouvez attacher une adresse différente à chacun de vos vidéos pour que ce soit plus facile pour les gens de se rendre directement sur la vidéo sans avoir à passer par votre compte utilisateur et ensuite cliquer sur votre vidéo. C'est quand même une très, très bonne affaire. Donc, c'est le haut de la semaine. Merci à YouTube. Et le bas de cette semaine, Microsoft brevette la fenêtre pop-up télé. Le 23 mars dernier, le Bureau américain des brevets a validé une demande déposée par Microsoft concernant un système qui permettrait aux fournisseurs de contenu télévisuel du câble ou du satellite d'afficher des fenêtres pop-up à l'écran de votre télé. Ces dernières apparaîtraient en réponse à une action de l'utilisateur ou serviraient de notification d'alerte, par exemple pour indiquer qu'il est temps de payer votre facture. Le système, qui est conçu pour que le téléspectateur soit averti à coup sûr de l'alerte, soulève un certain nombre de problèmes. Par exemple, l'alerte ou le message peut être envoyé à un moment où le téléviseur est éteint, ou à un moment où le téléviseur fonctionne, mais où personne ne le regarde. Les concepteurs du brevet ont donc établi qu'il était nécessaire que l'alerte soit conservée en mémoire, affichée lorsqu'une action est détectée et qu'elle ne disparaisse qu'après validation du téléspectateur. Hein? Des pop-ups sur votre télé! C'est le bas de la semaine! En musique, voici NoFX avec The Marxist Brothers et on revient avec non seulement en attendant Ben Laden, mais les nouveautés en magasin cette semaine. Vous écoutez La Connexion, on parle technologie, informatique et jeux vidéo. Mon nom est Mathieu Plante. Jusqu'à 13h si vous écoutez le jeudi et jusqu'à midi si vous écoutez le mardi. Ça devient mêlant. Restez là. NoFX avec Seeing Double at the Triple Rock. On écoutera la vraie pièce de Marxist Brothers plus tard, mais pour l'instant, avant d'aller en publicité, faisons le top des jeux les plus vendus aux États-Unis pour le mois de mars au complet. C'est le top sur console. J'ai ça juste ici, à la connexion par technologie informatique et jeux vidéo. Donc, le National Purchase Diary, le NPD, nous permet de découvrir les ventes software et hardware aux États-Unis pour le mois de mars 2006. Les ventes totales reliées à cette industrie ont atteint 819 millions de dollars, une baisse de 16% par rapport à la même période l'an dernier. Les ventes de jeux ont seulement baissé de 8%, mais ce sont les ventes de consoles qui ont le plus bougé, en baisse importante de 31%. Voyons donc les consoles les plus vendues en termes non définitifs. En quatrième position, GameCube avec 63 000. En troisième, Xbox avec 83 000. En deuxième, la 360 avec 192 000. Et la console la plus vendue, c'était la PS2 avec 273 000 unités vendues. et le top des ventes software en termes de revenus. Donc, on commence par la cinquième position de The Elder Scrolls IV Oblivion Collector sur Xbox 360. En quatrième, Black sur PlayStation 2. En troisième, The Elder Scrolls IV Oblivion sur Xbox 360. En deuxième, Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter ou GRA sur Xbox 360. Et en première position, le jeu le plus vendu en termes de revenus avec 614 000 unités vendues, c'est Kingdom Hearts 2 sur PlayStation 2. C'est beau à voir. Et tiens, tant qu'à éliminer quelques chroniques pour avoir le temps de parler de Mario Bébé, si on peut, avant la fin de l'émission. Cette semaine dans l'histoire, on fait un retour en arrière avec cette semaine dans l'histoire. Et pour en savoir plus et apprendre d'autres faits intéressants qui sont passés cette semaine, suivez le lien sur www.cf.ca/CNX. On commence le 16 avril en 1959, où le LISP, le langage de programmation à la base de l'intelligence artificielle, est présenté pour la première fois. Créé par John McCarthy, ce langage et ses descendants sont toujours utilisés aujourd'hui. Le 21 avril en 1988, la compagnie TandyCore annonce qu'elle va commencer à construire des clones d'ordinateurs PS2 d'IBM. 5 ans plus tard, les clones étaient plus populaires que les PC d'IBM eux-mêmes. Et le 22 avril en 1592, c'est la naissance en Allemagne de Wilhelm Schickard, l'inventeur en 1623 d'une calculatrice mécanique à engrenage de bois qui pouvait additionner et soustraire dans les 6 chiffres. Vraiment, vraiment beau à voir. Au retour, les nouveautés en magasin, peut-être Mario Bébé, peut-être quelques affaires sur l'écran de votre radio. On verra bien ce qu'on a le temps de faire. Vous écoutez La Connexion, on parle technologie, informatique et jeux vidéo sur CIFU 89.fm. Bon retour, c'est la dernière demi-heure de La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo sur CIFU 89.fm. Mon nom est Mathieu Plante et le retour de Jesse Millette à mes côtés. Oui. Ouais. Pour interlocuter avec toi. Interlocupérer. Ouais. C'est fun. Il nous reste encore quelques petites affaires. On veut absolument parler de Mario Bébé. Donc, allons en musique, revenons avec ça et puis on fera le reste de ce qui nous reste au retour. Voici The Marxist Brothers de NoFX à CIFU 89.fm. Vous écoutez La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo sur CIFU 89.1 FM. Mon nom est Mathieu Plante, Jesse Millette est à mes côtés. Et maintenant, on va parler de quelque chose qui est très très près de peut-être vos cœurs à la maison. Je parle bien sûr de Mario Bébé. Oui, donc Mario Bébé, Jesse. Ouais, on aurait pu prendre la toune du jeu. Ouais, c'est vrai. L'intro, ça aurait été drôle. Si on l'avait eu, ça aurait été drôle, ouais. En effet. Oui. Donc, Mario Bébé, de son vrai nom, Bio Miracle Bokutle Upa. C'est un jeu de Konami qui est sorti pour la première fois sur le marché japonais en 1988 pour la Famicom Disk System, l'ancêtre de la NES. Et c'est plus tard sorti en format cartouche en 1993 pour la Famicom, qui est, elle, la vraie console qui jouait des jeux de NES et qui a été plus tard importée, elle, sous, vraiment sous le nom de NES. Donc, c'était une ancêtre, on comprend? OK. En tout cas. Donc, Bio Miracle Bokutle Upa devait en fait sortir aux États-Unis en 1989. Sauf que Howard Phillips de Nintendo lui a dit non. Ils ont dit que c'était pas assez bon pour le marché américain. C'est pas assez bon. Ben, c'est en le regardant, même, c'est peut-être vrai. Non? C'est quand même médiocre. C'est pas très bon comme c'est jeu. C'est qu'on y rejoue. Là. Moi, je me souviens d'avoir été chez du monde qui l'avait, mais la version pirate avec un ruban. Oui. Et effectivement, dans le titre, c'était Mario Bébé. C'est vrai. Ou Baby Mario, je me souviens pas. Là. C'est ça la controverse, c'était Mario Baby. C'est que Bio Miracle Bokutle Upa ne fait pas partie de la franchise Mario du tout. Non, mais non, ben son non. Surnom Mario Bébé vient, même Mario Bébé et Baby Mario, dépendant des cartouches, ça vient du fait qu'il y a des joueurs qui ont piraté une version du jeu. Ils l'ont appelé Mario Baby pour la Famicom et la NES, parce que ça acceptait les mêmes cartouches. Sachant que ça se vendrait bien mieux. Et il y a des aspects, ça ressemble quasiment à un jeu de Mario quand tu joues. Là. Ben surtout que dans Mario Land 2, comme on l'a constaté en fin de semaine, il y a des monstres, il y a des cochons, pareil comme dans Mario Baby. On dirait qu'ils ont fait un clin d'œil à ce jeu-là. Ben je pense qu'ils sont inspirés un petit peu de Mario Baby, parce justement. Parce qu'il y a eu 3-4 affaires là, qui semblaient vraiment qu'ils venaient de Mario Baby. Là. Mario Baby, pour ceux qui sont familiers, qui s'en souviennent un peu, à un moment donné, t'avances, c'est un hochet. Quand tu frappes les bébites, ils rebondissent. Mais faut pas qu'elles te rebondissent sur toi. Non! Sinon, tu meurs. Et tu peux marcher sur les bébites puis faire des nuages avec, oui. Puis t'envoler avec les bébites. Oui, oui, c'est super beau. Tu peux manger du gâteau, oui, aussi. Oui, dans le deuxième tableau, il faut que tu avances. Un petit peu comme le principe dans Mario 2, qu'on on grugeait du sable. Mm-hmm. Ben, c'est le même principe, mais tu avances, puis le bébé Mario, il mange des tonnes et des tonnes de gâteaux. Ouais. Et là, vu que ça fait tellement longtemps qu'on a joué, on se rappelle pas de ce qui se passe plus tard dans le jeu. Non. Mais quelqu'un m'a dit que le bébé grandissait, devenait un petit peu plus vieux à la fin du jeu. Je me souviens pas de ça. Tu peux pogner une étoile, un genre d'étoile comme dans Mario, puis devenir un grand bébé, de marcher debout, puis foncer dans les bébés, puis t'es invincible. Ah, c'est ça me dit quoi vaguement. Mais je vais le réessayer, puis je t'en parle. Génial. On fera une critique du jeu. Mais donc, l'étiquette sur la cartouche de Bio Miracle Bokutle Upa est en fait le vrai dessin qu'il y avait sur le jeu original, mais avec une petite étiquette de papier collée en haut qui dit Mario Baby. La version piratée est ce que les Nord-Américains ont joué depuis ce temps-là, vu que le jeu n'est jamais vraiment sorti officiellement en Amérique du Nord. La version Famicom Disk System du jeu avait de la musique un petit peu plus améliorée et utilisait un canal audio qui n'était pas disponible dans la version NES normale. La version piratée n'a qu'un seul des canaux, donc ils ont lâché le canal extra d'audio, ce qui veut dire que ça enlève la mélodie principale du jeu. Donc ce qu'on entend, c'est pas la vraie musique du jeu, c'est une version sans mélodie. Okay, ouais, c'est pour ça que c'est un petit peu mauvais la musique dans le jeu. Je sais pas si t'avais remarqué ça. J'aurais bien aimé avoir la vraie robe. Ouais, la vraie version. Mm-hmm. Donc ça se passe dans un royaume magique. Ça dit que l'esprit de Zai, ça n'a même pas rapport, c'est une histoire dont on se fout complètement. Ouais. Ben, les fruits dans le gâteau, justement, ils ressemblent au. Le gâteau ressemble beaucoup au gâteau dans Astérix et Cléopâtre. Je sais pas, je sais pas. OK. Le fameux gâteau là, avec la chanson. Là. Un petit peu de vitriol. En tout cas, je me souviens pas, là, mais c'est à mon beau-fils qui fait ça. C'est un gâteau empoisonné. Les fruits, c'est les mêmes fruits, puis c'est les mêmes genres de dessins. C'est aussi laid, en tout cas. Okay. Clin d'œil à ceux qui ont vu Astérix et qui savent quoi. Mm-hmm. C'est bon. En tout cas, c'est l'histoire du bébé. Le bébé s'appelle Upa. C'est pour ça que le jeu s'appelle Bio Miracle Bokutle Upa. Enfin bon, allez vous renseigner. Je vais mettre le lien vers l'article de Wikipédia sur le jeu au www.cif.ca/cnx. Et le jeu en tant que tel, pour ceux qui se rappellent pas, ben allez le télécharger sur Internet, puis vous allez voir que c'est pas si bon qu'on se rappelait. C'est une version piratée de toute façon. C'est même pas un vrai Mario, donc ouais, on l'aimait juste parce que c'était un supposé Mario. C'est ça. C'est la seule raison d'aimer ce jeu-là, il était pas si fun. Ben, moi, j'aurais jamais su qu'il existait, parce que je suis arrivé chez quelqu'un, puis il l'avait. Mais sinon... Ben, moi, le pire, c'est que je m'étais renseigné sur Internet pour essayer de trouver l'historique de ça. J'avais été sur des sites de Mario, des sites qui ne parlent que de Mario et ont tout l'historique. Il était même pas au courant qu'il y avait eu un jeu de Mario Baby. Je pense que ça devait être un site qui était pas ni américain ni canadien, parce que sinon... Je crois qu'au Québec, c'est une tradition qu'on a ici d'avoir le jeu de Mario bébé dans la tête depuis qu'on est jeune, je pense. Des dépanneurs, il y avait ça partout. Oui, c'est vrai. Enfin bon. T'es beau. Aussi. C'est le fun des compliments comme ça. Vas-y. J'aime ça. OK, donc, ben, c'est tout pour la critique. Donc, on va aller encore une fois en musique, une petite toune rapide, tu sais, comme ça, pour passer le temps entre deux segments. Et au retour, le mash-up, c'est-à-dire tout ce qui ne fit pas dans d'autres segments. On en parle au retour. Mais pour l'instant, voici The Alarm avec l'album Under Attack 2006. Voici la pièce Super Channel à la connexion à CIFU 89.fm. C'est correct. On se calme, les motons. Donc, vous écoutez la connexion, on parle technologie informatique et jeux vidéo. Jess Minette, Mathieu Plante, c'est 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Oui. C'est, tu sais, si tu mets ça dans l'ordre, ça fait quelque chose de très, très beau. Petit slogan. C'est très beau. On devrait utiliser ça plus souvent. Donc, avant de continuer avec le mash-up, qui est c'est le segment de choses qui ne fit pas ailleurs, donc ramassis de choses, ragoût de restants, comme vous voulez. Avant ça, cette semaine, Square Enix vont lancer leur premier jeu sur une console de Microsoft, c'est-à-dire Final Fantasy XI. C'est un des jeux marquants dans la chronique en magasin cette semaine. On commence par les jeux qui sortent sur plusieurs consoles. Le jeu d'aventure fantastique à la troisième personne, Dreamfall The Longest Journey sur Xbox et PC de Funcom. Le puzzle Puzzle Challenge Crosswords and More sur PlayStation 2 et PSP de Crave Entertainment, c'est-à-dire un jeu de mots croisés, Jesse. Wow. Yabadabadou. Ben, j'aime les mots croisés des fois, mais ça fait longtemps. Pas sur une PS2. Comment tu fais pour contrôler ça? Les lettres. Comment tu fais? Faut que tu choisisses les lettres avec tes flèches. C'est niaiseux. Ça marche pas, ça. Probablement. Je sais pas. Non. Moi, non, je suis pas... Non, moi non plus, je serais pas acheteur. Sur DS, par exemple. Pouvoir toucher les lettres à l'écran avec tout l'alphabet en bas, ce serait vraiment fort, par exemple. Ouais, ça pognerait plus au DS, d'après moi. Ouais. Il y aurait même des... Beaucoup de gens qui achèteraient des S, rien que pour ça. Ben oui, c'est sûr. C'est probablement. Tu sais, à la place de t'acheter un petit cahier de mots croisés à une pièce de l'arama, t'achètes un DS à 150$ avec une cassette à 50$. Ben oui. C'est sûr. Le jeu de course dans l'eau et dans la neige, Snowcross 2 featuring Blair Morgan sur PlayStation 2 et Xbox de Crave Entertainment. Le jeu de rôle massivement multijoueur et en ligne, Final Fantasy XI Treasures of At-Urgon sur PlayStation 2 et PC. Et la version normale, Final Fantasy XI, j'ai aucune idée de la différence entre les deux, de Square Enix. Celui-là, c'est sur Xbox 360. Sur DS, le jeu de éducation et divertissement, Brain Age, Train Your Brain in Minutes a Day. Un autre jeu avec des sudoku, des jeux qui vont entraîner votre cerveau. Qui est apparemment extrêmement populaire au Japon. Mm-hmm. Et ça vient de Nintendo of America. Sur PSP, le jeu de gambling World Poker Tour de 2K Sports. Et le jeu de rallye off-road World Rally Championship Shift de Namco Bandai Games. Aha. C'est ce que je voulais dire. Shift. Très bon. Maintenant, dans la chronique en attendant Ben Laden, parce qu'on sait que l'émission de Radio-Canada va revenir cet été, donc aussi bien retourner au nom original de cette chronique, qu'on appelait autrefois sur l'écran de votre radio, ramenons le nom en attendant Ben Laden. Pourquoi? Parce que l'année passée, Ben Laden nous volait les vidéos qu'on passait. Ah, hein? On passait ça où? À Al-Qaïda? À eux autres, à Al-Qaïda. Non, mais Ben Laden, l'émission de Radio-Canada, On s'entend là-dessus. Donc les vidéos qui passait à la collection finissait toujours à Ben Laden, donc c'est pour ça qu'on l'appelait comme ça. C'est un petit inside. Donc allons-y avec quelques vidéos. Tiens, j'ai trouvé ici une publicité pour Dr. Mario qui date du début des années 90. Dr. Mario, jeu que j'affectionne particulièrement. Est-ce que tu te rappelles aussi, de cette pub-là? J'ai eu un regain. Non, je me souviens pas de l'annonce. Ben écoutons, on l'a juste pour voir sur l'écran de votre radio tout de suite. Donc en l'expliquant, on voit des gens habillés en lapin. Des filles, virus lapin. Des petits virus lapins qui arrêtent pas de bouger, de danser avec une espèce de brassière noire pour chacune des filles, c'est quand même bien. Là, on les voit sur un fond noir. Là, t'as un gros bébé, gros Mario en figurine qui leur lance une pilule. Le rouge touche la fille. Oh, là, c'est des vrais extraits du jeu. Oh mon Dieu, les virus qui meurent. La pub vient de où? Aux States ou japonais? Du Japon. Ok, c'est ridicule. Ah, c'est la version Game Boy. Oh, le logo de Nintendo. Ah, ben c'est le fun. On a reconnu le petit cling. Le petit cling de Nintendo. Le Game Boy quand tu l'allumais. C'est vrai. Aussi, ici, tiens, du Lego Stop Motion Animation, qui, c'est Counter-Strike, mais fait en Lego. Mon Dieu. C'est le fun. Let's move out. C'est drôle. OK. Bon, c'est vraiment un remake de Counter-Strike, avec les personnages qui chargent leurs fusils. Tu vois les petits Lego courir. Hey, c'est vraiment du Stop Motion, ça. Ça a dû être long. Mon Dieu, ça a dû être long. Combien d'années ça a pris à faire ça? J'aimerais me renseigner. Bon, je pense pas que c'est années, là, mais... Ben, j'ambitionne toujours. Ah, c'est drôle. Oh, le sang! Oh, mon Dieu, le sang! Un bonhomme Lego. Il était allé sur un mur Lego, puis il a du sang. Hey, c'est bien fait, quand même. C'est extrêmement bien fait. Il y a même tu vois même la caméra à travers le viseur vert du Lego. Ouais. C'est hot! Il va falloir que tu me shootes le lien. Non, c'est vrai, je vais aller sur le site de C'est Fou. Mon Dieu, que t'es perspicace! CNX. CNX.CFOU.CA. C'est fou.cnx, cnx.cfou.ca ou cfou.ca/cnx, ça revient pareil au même. Tu sais, j'ai d'autres vidéos aussi, j'ai regardé comme ça, ben je les ai pas vraiment regardé d'avance, c'est ce que j'aime faire, j'aime me surprendre moi-même en les regardant. Mais tu sais que c'était à la mode de parler de Chuck Norris? Ben Chuck oui. Norris est extrêmement à la mode. Je mets les pieds où je veux. Parce que dans une réplique de film, il m'a demandé, il dit, c'est vrai. Dans Braddock, faites attention où vous mettez les pieds. Et Chuck Norris de lui répondre, je mets les pieds où je veux. En tout cas. Je te mènerai la séquence. C'est très drôle. Moi, j'ai le tête pas. Là. Donc, voici Chuck Norris en train de faire Oblivion, un jeu que t'aimes beaucoup. Donc, je crois que c'est des citations de Chuck Norris. Oh, c'est un bonhomme qui ressemble à Chuck Norris. Ah, c'est ça la joke. Okay. Il s'est fait un skin, vraiment, c'est Chuck Norris. Mais dans Oblivion. You know, stranger? There comes a time in every man's life when he has to admit that he's lost the fight. Well, I've fought and I've lost. I'm a fisherman. Okay. At least I was. Donc, allez voir la vidéo. Hein? Il y en a un sur Oblivion et il y en a un sur Soul Calibur. Ils sont apparemment très, très drôles, mais j'imagine qu'il faut les regarder jusqu'à la fin. Oui, on n'a pas le temps de faire ça. Ça doit durer 3-4 minutes. De toute façon, c'est jamais la meilleure chronique. À chaque semaine, on dit les mêmes commentaires et je dis tout le temps, ça marche pas cette chronique-là, on devrait changer ça. Mais bon, en attendant, la donne, allez voir les liens sur le cnx.cif.ca. Les liens sont tous là et je vais même en laisser quelques-uns en surplus. Ça va être le fun pour vous autres. Pas pour moi, par exemple. Donc, hey, tiens, justement, parlant de ça, allons voir quelques affaires qui se passent ailleurs sur le net. Dans la chronique, seulement sur le net. Ça vous voit-tu? Oh mon Dieu. Pourquoi pas? Donc, commençons par Ajax XLS. Il y avait un gars qui avait décidé de faire un nouveau logiciel Ajax à chaque semaine. Il avait fait Ajax Word, il avait fait Ajax, un genre de PowerPoint en Ajax. Ajax, c'est un logiciel qui permet de faire des logiciels qui vont fonctionner sur Internet. Donc, c'est vraiment Word, mais online. C'est PowerPoint, mais online. Et là, c'est Excel, mais online. Ça s'appelle Ajax XLS. Allez voir, c'est le michaelrobertson.com, qui est le nom de la personne qui a décidé de faire ce projet-là. /Ajax XLS. Ça a l'air prometteur. C'est familier pour ceux qui connaissent Excel, mais en passant quelques minutes avec ça, on peut voir facilement que c'est très, très loin d'être terminé. Mais on espère qu'il va passer un petit peu plus de temps. Peut-être que quand son projet de Ajax sera terminé, il va mettre plus de travail sur chacun de ses logiciels, au lieu de juste les sortir à chaque mercredi. Ça. Ouais, probablement. C'est, à un moment donné, ça commence à être dur sur le moral. Ouais, ben, c'est coûte cher, la pub, là, ici, t'as la connexion, là, voyons. Ouais, ouais, ben, ouais. C'est pas super cher. C'est ça, ben, moi, on est quand même raisonnable côté prix. Ben. Ouais. Ouais, ouais. On va te vendre. 2000 la minute, je pense. 2000 Ce rendu-là, je me lance en publicité. Simply Google sur usabilityviews.com/simply-google.htm. C'est une page web comme ça que vous pouvez mettre en page d'accueil, par exemple, qui vous offre une bonne trentaine de différentes boîtes de recherche et chacune cherche une branche différente de Google, par exemple le web, les images, les groupes, les news, frugal, local, blogs, etc., etc. Et qui offre aussi des liens vers chacune des sections de Google, celles que vous aimez, celles que vous connaissez, des downloads, des affaires amusantes que Google a fait à travers les années, par exemple les blagues de Poisson d'Avril sont toutes là aussi. Et il y a du RSS pour avoir toutes les nouvelles dans votre ordinateur facilement à chaque matin en vous levant. Allez voir Simply Google, c'est quand même le fun, je trouve ça bien. Allons-y avec tiens, The Four Dummies Book Cover Generator, qui est simplement un générateur de couverture de livres pour les nuls, mais en anglais. Donc tu marques le nom que tu veux et puis ça donne, mettons, la connexion pour les nuls. C'est une couverture de livres, c'est le fun. C'est en anglais, mais c'est le fun pareil. Et j'ai posté aussi ailleurs dans les liens quelque part là-dedans. Ça s'appelle Nintendo Logo for Sony and Microsoft, le nom de l'article. C'est un site que tu entres ton texte, ils vont faire un logo de Nintendo avec. Genre, c'est le format Nintendo, l'espèce de saucisse, avec le logo dedans, avec les coins ronds. Ouais. Mais avec la connexion, ça fait quelque chose de très très beau. Moi, ce que je ferais plus, c'est vraiment le guide du Mario Baby pour les nuls. Oh! Si t'es nul, ça va pas bien. Vraiment pas, ça serait drôle. Jess Millette pour les nuls. Ah! Regarde la connexion, le logo de la connexion en Nintendo, c'est très très beau. Oh, la connexion pour les nuls. Ça pourrait quasiment devenir notre logo. Ouais. C'est vrai. En tout cas. The Connection. The Connection. Il nous reste à peine 3 minutes, donc on va bientôt terminer. Là-dessus même, je pense. Oh, le reste va rester sur le site de toute façon, allez voir ça. Tous les liens sont au cnx.cif.ca. Et d'ailleurs, nouveau look pour le site. Ça me tentait de changer de skin. Une fois de temps en temps, tu te tannes. Ça fait du bien, des fois, de changer de peau. Ça fait sombre un peu, mais c'est bien quand même. Allez le voir. Je rappellerai jamais assez souvent l'adresse, parce que depuis l'année passée, on l'a mentionné comme une fois en tout, genre on le mentionne jamais. Cette émission-ci, on le mentionne à tous les jours, à toutes les heures, à toutes les secondes. Toutes les minutes. Cif.ca. Tout le temps. Cif.ca / CNX. www.cifou.ca. Ben oui. Regardons ça. C'est beau à voir. Oui. Donc, c'est vraiment tout le temps qu'on a pour cette semaine. Donc, je vous rappelle que tous les liens, le MP3 de l'émission et les informations nécessaires pour nous rejoindre sont au cif.ca/CNX. Je remercie Jess Millette qu'on écoute à l'émission Le Chant du Patriote. Que je vous accueillerai lundi de 11 à midi et le jeudi. Ce n'est pas une reprise. On a deux émissions. Le jeudi de 10 à 11, juste avant la connexion. Émission très écoutée. Ah! C'est moi qui t'amène les codes d'écoute, dans le fond. Ben oui, c'est bien trop vrai. Je fais mon émission, le monde l'écoute, puis après, ça fait comme « Ah, cette voix belle et chaude est encore à la connexion. » Donc, on écoute les deux. C'est un bon duo, non? Ça se vendrait comme les duos packs de cassettes au Club Price. Mais en tout cas, j'arrête de parler. On devrait faire un petit duo chanté, ça pourrait être pas pire aussi. Ça pourrait être beau. Moi, je vous retrouve dans la 100e édition de la Chance au coureur. Ce vendredi 21 avril à 11h ou le mardi 25 avril à 13h. Oui, la 100e. Et je coanime aussi les palmarès C'est fou les vendredis soirs à 17h. N'oubliez pas que la connexion est diffusée en direct les jeudis à 11h et en rediffusion les mardis à 10h. Alors, on se retrouve quoi? La semaine prochaine, Jesse. Et merci de m'avoir reçu, Mathieu. De la part de toute l'équipe, faites attention à vos genoux. Bonne journée et bonne chance.